chérie, c'est quoi Galaxy Pop? Mais chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Galaxy Pop, c'est certes un exhausteur de plaisir, mais à plusieurs, je me rends compte que la formulation est ambiguë. Disons que Galaxy Pop, c'est du bonheur, par tous, pour tous, tout le temps. Galaxy Pop, le label qui titille les oreilles. Galaxy Pop, on va bien s'entendre. Galaxy Pop, on va bien s'entendre. Galaxy Pop, on va bien s'entendre. Salut à tous et bienvenue dans le Nostalcash. Et cette fois encore, on innove, on est en live et en plus avec un invité. Et comme premier invité, on a donc Fred Boissou aujourd'hui. Salut Fred. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, j'ai pas trop l'habitude. Hein. Vous allez le remarquer très vite, j'ai l'impression d'avoir un balai. Voilà. Okay. J'ai pas l'habitude en fait. Hein. Donc, je suis un petit peu stressé, je vous le cache pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On n'est pas nombreux et ceux qui sont là, ils sont gentils. Bon, bah voilà. En plus, normalement, merci, celui que je vois qui est déjà là, c'est Seb, je crois que tu connais déjà. Seb. High Kick. Ah, bah oui, Seb, oui, je le connais. Oui. Enfin, je le connais sans le connaître. Je l'écoute souvent, je reconnais bien sa voix. Je le croiserai dans la rue, je le reconnaîtrai pas, mais je connais très bien sa voix. S'il parle, si, on le reconnaîtrait. Salut Roland le robot. Ouais. Bon, on est deux, on en a deux qui nous voient déjà. Ouh, bah, disons, partir quand on va commencer. Bah, ça dépend, Seb, il s'accroche. Hein. Ouais. Bon, bah oui, bah ouais. J'en sais, ouais. Ouais. Je suis au courant, ouais, il s'accroche. Ouais. Mais bon, la dernière fois, vous avez tenté de le tuer quand même. Hein. Oh, ça va. Le pauvre. J'ai eu de la j'ai compati. J'avais de la peine pour lui, hein, franchement. Vous avez été vache. Ça va, ça l'a bien fait. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Bah, rapidement, je pour suis. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Frédéric, j'ai 51 ans pour le moment, et puis j'aime le cinéma, voilà quoi. Je suis un gros acheteur compulsif de DVD, mais pas cher, hein, parce que je suis une grosse pince. Oui, bah, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà, j'ai tellement fait au commencement du DVD, la saucisse allait payer 15 euros chacun, que maintenant je me refuse totalement de mettre 15 euros dans un DVD. Je crois qu'on est tous passés par là. Ouais, déjà 15 centimes, c'est beaucoup. Mais. Jusqu'à 1 euro, ça va. Ouais, ça dépend du titre. Hein, mais en général, c'est 50, 30, voire 20 centimes. Ah, j'ai pas encore trouvé de 20 centimes, moi. Je l'ai fait quand c'était à mon cash à Tournor, là où j'habite. Ouais. Pendant le Black Friday, ils étaient à 20 centimes. Oui. Je suis parti. Je suis reparti avec 60. Ouf. Ah oui, pas mal. Ah ouais, j'ai pas fait plus gros depuis. Hein. Mais 12,60€ DVD, ça va quoi. C'est rien, faut juste la place pour les ranger après. J'ai pas la place. Ouais, moi non plus. Mais je fais comme tu m'as dit, maintenant je fais des cartons à la cave. Voilà, c'est ça. Ils sont partout mes cartons. Je peux pas te les montrer parce que j'aurai jamais assez de films, mais tout est dans des cartons. Infernal. Ah, voilà. Infernal. Voilà. Hop, un petit message de Roland qui te connaît pour tes tweets de DVD. Ben oui. Ah ben voilà, ben oui, tous les jours j'en poste un en fait sur Twitter. Je le fais pas trop sur Blue Sky parce que bon, ça fait doublon et puis j'y pense plus trop en fait. Et là je suis arrivé à combien là 1050 peut-être que j'ai posté déjà. Ça, je crois. Ça fait un bon moment que tu fais ça. Hein. Ouais, ça fait un bon moment. Ouais, j'essaie de m'y tenir tous les jours, mais c'est pas toujours facile. J'ai eu plein de choses à faire. Il y a des fois, t'as rattrapé 2-3 jours d'affilée, oui. Ouais, voilà, ouais, j'en mets 4-5 comme ça, dis, allez, vous aurez à manger, et puis c'est bon, voilà. Voilà. Mais bon, ça me permet de tenir un petit journal de bord. C'est déjà pas mal, ouais. Ah, bah, t'as Roland qui demande combien le total de la collecte. Ouf. Mon cher Roland, alors attends, parce que j'ai une appli, mais qui malheureusement ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant, c'est dommage. Alors, à combien j'en suis? Sachant que les coffrets comptent pour 1. Bon, je suis à 2793. Ah vache, quand même c'est pas mal. Hein. Ah. Ouais, ça commence à faire un petit peu. Je crois que j'approche les 2000 aussi, mais ça commence à faire. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de Blu-ray par contre. Oui, pareil, je mise pas beaucoup sur les Blu-ray. Bon. Puis j'ai trouvé un nouveau fournisseur là, qui s'appelle Emmaüs. Ça s'appelle Emmaüs et franchement. Oui. Emmaüs ou les grossisteries, c'est terrible. Ah ouais. Ah, j'ai trouvé des pépites là-dedans. Ah bah. 50 centimes le DVD. Voilà. Bah. Puis même si c'est pas une pépite, c'est pas grave. Hein. Tant qu'il te plaît, c'est pas grave. Ouais, exactement. Puis de toute façon, je te présenterai, il n'y a pas que des pépites. Hein. Moi aussi, il n'y a que des pépites, mais dans les deux sens, ouais. On va dire. Ouais. Ah, j'ai bien, j'ai déjà regardé tes émissions, ouais. je sais à peu près ce qu'il y a, ouais. La déviance. Oh, oui, bah, j'ai gardé les plus déviants pour toi. Alors, qui commence ? Eh ben vas-y, j'ai dit. Ouais, bah, je sais pas. Veux-tu commencer ? Les gens de... Bon, bah, alors, je vais commencer directement. Je cherchais ça depuis un sacré moment. J'ai trouvé ça sur Le Bon Coin pour 30 euros, parce que je suis un gros fan, en fait, et pour 30 euros, j'ai dit, allez, je la prends. Voilà. Ah, bah, je l'ai aussi, la collection Columbo. Il a aussi. Voilà, ouais. Ouais. Parce que c'est... 30 euros, ça va. 30 euros, ça va, franchement, voilà quoi, je pourrais en plus la regarder en espagnol, en allemand ou en italien, si j'ai envie, mais non, pourquoi pas, mais bon, ouais, franchement, j'étais content, pour 30 euros, avec les frais de port à 99 centimes du Bon Coin à l'époque, au moment, là, j'étais content, ouais, ça va, j'aurais pas mis plus cher de toute façon. Non, mais 30 euros pour tous les Columbos, c'est quand même tout à fait honnête, hein. Ouais, franchement, j'étais content. Ouais, puis c'est une chouette série qui se regarde toujours bien. Ouais. Et puis bon, bah comme... enfin bon, je pourrais le dire après, moi je suis un gros fan de doublage. Ouais. Oui, bah voilà, on avait parlé déjà de doublage. Ouais, les VF et tout. Et puis là-dedans, t'es servi parce que t'as que des pointures, en fait. Ah bah oui, les VF de Columbo, c'est quelque chose. T'as que les pointures de l'époque, moi. Tu sais déjà qui est le méchant rien qu'en écoutant. Ah bah oui, c'était évidemment. Le tueur parce que c'était toujours le même quasiment. C'était toujours lui qui faisait la voix du méchant. Donc c'était la voix de Steve. Bah tu regarderas sur certains. Souvent c'était la voix de Steve McQueen. Ah oui. Ah bah tiens, je ferai gaffe à ça la prochaine fois. Il s'appelait Jacques Thébault. Et il faisait aussi Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest. Ah bah oui, dans Les Mystères de l'Ouest. Bah, en même temps, Robert Conrad, on l'a vu quelques fois dans Columbo aussi. Ah ben bah, voilà, donc tu sais rien qu'à l'écouter, c'était lui le tueur. T'étais déjà au courant d'entrée de jeu. Voilà. Bon, bah, belle première prise en tout cas, bravo. Ouais, belle première prise. Ouais, mais tu vas voir les autres après, tu vas pas être déçu du voyage aussi. Ah, bah, attends, et toi non plus, tu vas pas être déçu. Bouge pas, je sors le premier. Fred, si t'es encore là, il est pour toi celui-là. Cyber Tracker 2, merde, attends, c'est pas là. Hop, Cyber Tracker 2 avec Don the Dragon Wilson. Ouais, je vais me faire du mal. Hein. Là, je pense que tu vas souffrir énormément. Ouais, il y a des chances, ouais. Bah déjà, j'ai vu Bloodfist 8 lundi, c'était très mauvais. Voilà, mais alors, la Cyber Tracker 2, franchement. Je savais même pas qu'il y en avait eu un 1. Bah si, je crois que c'est de celui-là dont parle Aikik il y a deux semaines. Ah, mais voilà, oui, Seb est très content. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a toujours des What 1000 titres. Oui, alors ça, mais celui-là. Non, c'est pas un prisme, alors ça sera peut-être le bon dedans, parce que l'autre fois j'avais Black Belt et en fait c'était Bloodfist 8. Voilà, les éditions prisme, c'est des bons salopards pour ça. Ouais, bah ouais, j'ai quelques trucs de digital édition qui traînent aussi là. C'est pas mal non plus, c'est pas mal non plus. Ils sont pas mal non plus, ouais. Et sur Black Belt, ils ont même poussé le vice jusqu'à couper le début du générique pour pas qu'on voit le titre. Ah oui, pardon, c'était Grid Runner, c'est autant pour moi. Bon, il y avait Cyber quelque chose dedans. Ouais, mais avec tous ces titres, on s'en sort plus, quoi. C'est comme les westerns italiens à l'époque. Enfin, tu t'en sors plus. Il y a tellement de titres que tu sais même plus ce que t'achètes. Au bout d'un moment, tu sais plus où t'es. Hein. Bah, ça, ouais, et puis ouais. Les films hongkongais de Godfrey Ho, c'est pareil. Oh là là, ouais, bah ouais. On l'entend parler à chaque fois dans les podcasts, tous les noms là qui sortent, mais t'as trois titres pour le même film. Eh oui, un peu de choses près. Un peu de choses près, voilà. Donc, et puis là, tu te dis, bah c'est cool, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Non, t'as le même. Ah, bah, non, c'est le même. C'est, même, c'est Richard Norton dans le premier Cyber Tracker. Bah, faudrait que je le trouve la prochaine fois. Merci pour l'info, Seb. Enfin, ça va des dépenses. Encore des dépenses. Oui, bon, bah 50 centimes, ça va, je vais pas m'ruiner. Ouais, ça va, c'est pas. Ouais, quand on prend 20, 30, d'un moment, ça fait. Mais moi, ouais, bah, souvent, j'en prends une petite vingtaine. Moi, j'ai un petit sac et une fois que mon sac est rempli, il faut que j'arrête. Ouais, bah ouais, mais moi, je sais. Le problème, c'est que au bout d'un moment, je sais plus quoi prendre. Oui, bah moi aussi, des fois, j'ai ça. Mais du coup, j'en prends moins. Ouais, mais après je prends le tout venant, quoi. Oui, bah ça, moi aussi. Voilà. Alors, et qu'est-ce que tu veux nous montrer de beau ? Ah, de beau, je sais pas. Bon, j'ai essayé de faire un truc classique, tiens, voilà. L'autre fois, j'ai trouvé ça. Ah, il est chouette celui-là. Je l'ai regardé l'autre fois, je l'ai pas trouvé ouf. Bah, il y a moins de bagarre que d'habitude, hein. Ah ouais, je l'ai pas trouvé super génial, quoi. Non, c'est un peu plus mou. Il y a plus d'acting, on va dire. JCVD, hein. Il fait plus dans l'acting dans celui-là. Après, là, il embrasse une fille en plus, donc. Ah bah ça arrive assez souvent, hein, après. Ouais, ouais, mais là j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça ouf, quoi. C'était pas assez décérébré pour moi, je sais pas. Peut-être, oui, puis c'est un peu mou, c'est vrai, mais bon, c'est moi j'aime bien, je trouve qu'il se regarde gentiment. C'est pas le meilleur, mais ça se regarde. Ouais, je lui redonnerai sa chance d'ici quelques années, quoi. Oui, voilà, et encore. Et encore. L'autre jour, j'avais retrouvé L'empreinte de la mort, j'en avais un bon souvenir, je l'ai revu, bah c'est pas si fou que ça. Ouais, j'ai plein de trucs comme ça, tu regardes, tu fais, non, en fait, c'était pas bien. Ah non, en fait, c'était pas terrible, hein, dis donc. Non, c'était pas terrible. Mais il y a des trucs, on sait que ça va pas être terrible d'entrée de jeu. Hein. Oui, ça, c'est clair. On est là pour ça, de toute façon. Oui, oui, bon, on est là pour souffrir. Hein. Comme on dit souvent avec le corbeau, on souffre pour pas que les autres souffrent. Mais lui, je crois qu'il aime ça. Ouais, ouais, bah lui, enfin bon, il est pas là d'ailleurs, lui, là, non ? Il est pas non, il est pas là, bon, tu sais, la nouvelle technologie pour le corbeau, c'est tout un truc. Hein. Bah, moi, il m'a fallu trois quarts d'heure pour brancher tout ça, moi. Ça va, lui, il écoute déjà pas les podcasts qu'il fait, alors si tu veux, pour aller voir les autres. Moi, j'aime déjà pas ma voix, donc. Ah bah ça, c'est commun à tous les gens qui font du podcast, je crois. Ouais, je pense que après il faudra que je la pitche un demi-tour en dessous. Ça ira. Un peu plus viril. Bon, ça va, personne regarde, là, de toute façon. Non, presque personne, ça va. Personne, non, ça va. On est entre nous. Presque pas entendu non plus après, pendant la rediff, t'inquiète pas. Ah, j'avais oublié ça, c'est vrai. Ah bah ça passera en podcast aussi, sinon Dany va m'engueuler. Ah bah oui, Dany, il faut l'alimenter, il faut nourrir la bête. Hein. Ah bah faut nourrir Galaxy Pop, hein. il y a du flux. Galaxy Pop. Ah bah voilà, faudrait qu'il nous chasse mieux après, qu'on puisse le reprendre et le mettre dans nos génériques. Ah ouais, mais là, faudrait que je me serve un ou deux whisky avant de le faire. Ah bah écoute, on a un peu de temps pour ça, si tu veux. Un peu de temps, ouais. Ouais, mais après, je voudrais dormir demain matin, je me lève très tôt. Ouais, le problème, après 2-3 whisky, c'est pas de dormir, c'est de se lever le lendemain. Ouais, voilà. Et puis, avec l'âge, une cuite, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, ça pique. Oui, mais ça pique deux fois plus le lendemain. Ouais, mais pour moitié moins cher. Ouais, finalement, il y a des avantages. Ben voilà, exactement. Moi, à 20 ans, il m'en fallait je sais pas combien. Maintenant, il m'en faut deux, et puis c'est réglé l'affaire. Hein. Attention, il ne faut pas boire d'alcool, quand même. Non, c'est pas bien, les jeunes. Hein. Ne buvez pas. Ne buvez pas. Hein. Voilà. On dira pas les effets secondaires, mais ne buvez pas. Ne buvez pas, c'est pas bon. Voilà. Bon, alors, à mon tour de te présenter un film avec un grand de l'action. Chuck Norris, La Fureur du Juste. Je vais dans le bon sens. Voilà. C'est chez Prisme, ça, non ? Quoi ? Ça a pas l'air d'être chez Prisme, celui-là. Je vais voir le bon film dedans. Avec Lee Van Cleef. Qu'est-ce qu'il a été foutre là-dedans, Lee Van Cleef ? Oh, il cachetonnait. Oui, bah il cachetonnait. C'est sûr qu'il a pas été chercher un Oscar. Je pense pas, non. Avec ou sans perruque ? Sans perruque, là, il est bien bien chauve, là. Ah, il est bien bien chauve, là, d'accord. Parce que j'en ai deux, trois, là, de Lee Van Cleef, que mon oncle d'Amérique m'a fourni. Des belles moumoutes. Ah oui, lui aussi, il a eu sa paire de moumoutes. Oui, Seb, c'est The Octagon en VO, c'est exactement ça. Non, je l'ai pas celui-là. Je te dirai si c'est bien. Ouais. J'ai des doutes. J'ai une vague idée, moi, déjà d'entrée de jeu. Donc, Même foulée, j'avais aussi trouvé le commando. Attends, je vérifie qu'il est pas dans ma pile. Bon, ça va. Le commando des tigres noirs de Chuck Norris. Le même jour. Oh, ce titre. Ah, bah oui. Ah là, après les bérets verts, les bérets noirs, le commando des tigres noirs, ouais. Ouais. Ah bah Chuck Norris, c'est tout un poème. Ah bah c'est épique même d'ailleurs, hein, je dirais. Oui, alors qu'est-ce clair. Que... Ah bah tiens. Il suffisait d'en parler, hein. Ah Chuck Norris, héros en terreur, c'est ça? Ouais. Alors héros terreur, ah oui. Héros contre terreur. Mais je sais plus le titre français. Parce que ça porte un autre titre. Attends, je vais essayer de voir comment je vais enregistrer. Héros contre terreur, ça me dit quelque chose. Enfin... Ah, il y a donc Richard Norton aussi dans The Octagon, tu vois. Ça s'appelle Héros tout court en français, mais avec un S. Oui, c'est un espèce de polar un peu fantastique, je crois, celui-là. Ouais, qu'est-ce que ça dit ? Chuck Norris, le temple d'or. Ah ouais, alors attends, parce que là, les taglines sont exceptionnelles. Ah bah c'est du Chuck Norris, alors. Chuck Norris, le Temple d'Or, Trucks, Invasion USA, la star du cinéma d'action, cette fois champion du monde d'arts martiaux, qui a affronté Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, nous démontre à nouveau qu'il est l'un des seuls héros à réaliser toutes les techniques de karaté et des sports de combat au service de la justice. Oh, héros contre terror est un film percutant. Oh, la vache. Oh bah voilà, ça y est, c'est vendu. Ah, et apparemment, il est très bien le commando des Tigres Noirs selon Pampan. Oui, mais enfin, Pampan. Ah ouais, oui. Moi aussi, on peut lui faire confiance. C'est pas Jazz quand même, Pampan. Ouais, on est un niveau au-dessus. Désolé, Jazz. Ouais, on est un cran au-dessus. Ouais, Jazz, si tu nous regardes, désolé. Désolé, non, même pas d'ailleurs. Ce point, allez, la balle perdue direct. Oui, oh bah, c'est pas la première. Moi, ce sera pas la dernière non plus, je pense. Hein. Non, il y a des chances que ça revienne. Je crois que j'ai d'autres occasions de lui faire quelques balles perdues là-dedans. Mais bon, celui-là, pour dire, je l'ai pas vu, je sais pas. J'ai vu Cannon, j'ai vu Chuck Norris, j'ai dit je prends, quoi. Bah, ça fait de bonnes raisons de le prendre. Bah ouais, on verra bien, quoi. Puis en plus, il y a marqué qu'il est en 16-9e. Moi, j'y crois pas trop, mais... Ouais. J'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop. Non, ouais, je serais toi, je serais méfiant sur le 16-9e. Hein, les... Ouais, c'est ça, ouais, j'y crois pas trop en 16-9e, moi. Ou alors, il faut zoomer, mais ça sent sûrement la VHS rip, hein. Oui, bah il y a des chances avec ces éditions-là. En général, c'est pas non plus un truc fantastique. J'avais trouvé chez eux Dakota Harris. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, ça me dit rien, ça. Ça te dit rien, c'était un sous Indiana Jones, ça, je parie. Ouais, un peu, ouais. Bah ouais, Dakota Harris, tu prends un nom d'un état puis un prénom. Bah oui. Indiana Jones, et puis voilà, t'as ton truc. Et puis, en fait, c'est une vieille VHS rip qui est absolument dégueulasse. Donc il est en 4 tiers, mais avec les bandes noires, donc il faut zoomer, donc c'est encore pire. Oui, bah oui. C'est con parce que le film est moyen, quoi. Mais, c'est plutôt sympathique. Hein. Une espèce d'histoire avec un avion dans le triangle des Bermudes ou je sais pas quoi, ça part. Ouais, si, ça peut être sympa. Ouais, c'est pas un grand film. Non, mais c'est toujours sympa. Dans le même genre, c'est avec qui? C'est avec George R. Graves. Désolé mon vieux, mais enfin bon, il est décédé, il va pas m'en vouloir depuis. Non, il va pas m'en vouloir, mais c'est pas ouf, quoi. Bon. Il est habillé avec un gros blouson d'aviateur, une casquette, genre j'ai du charisme et tout, et puis en fait, non. Ouais, c'est clairement l'Indiana Jones du pauvre. Ouais, mais avec des avions et tout, un petit peu comme dans le 2, quoi. Mais non, c'est pas ouf, quoi, l'histoire. Mais... C'est con, ça aurait pu être mieux traité. Enfin, c'est comme plein de films. Ouais, voilà. On se dit qu'après coup, ça pourrait être mieux traité. Mais bon, ouais. Mais bon, au moins, je l'ai. J'attends si un jour je peux trouver une version d'Oncle d'Amérique en HD. Je la prendrai peut-être parce que je l'aime bien. Bah voilà, c'est ce qui compte. Ouais. Après, enfin, on est entre nous, quoi. On sait ce qu'apprécient les copains. Oui, non, puis ouais, on aime bien, hein, c'est tout. Il y en a qui aiment bien Jalal Meryl, et puis c'est tout. Allez, pas que pour sa défense, je dois avouer que l'autre jour j'ai vu Talons of the Eagle, c'est pas si mal, j'ai rigolé. Ouais, bah c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. J'en attendais rien, j'ai quand même rigolé dans l'impeccable. Ouais, c'est ça, je m'attendais à un truc tout pourri, en fin de compte, bon, ça passe. Bon, il faudra peut-être que je m'y mette au Jalal Meryl, là, parce que bon, vu comment vous en parliez, ça me donne pas envie d'y aller. Hein. Non, bah moi je l'ai acheté, hein, mais bon, j'y étais un peu reculon. Je tire mes films au dé maintenant, j'en ai trop en retard, donc je tire au dé pour voir ce que je regarde et c'est tombé dessus. Ah, pas de chance. Ouais, en même temps, avec la pile qui m'attend, il n'y a pas souvent de la chance. Non, c'est pareil, moi je suis. Je ne sais même plus quoi regarder. Enfin bon, je te montrerai après, quoi. Oui, bah oui, bah tiens. Alors. Allez, à mon tour, et cette fois, c'est un bon film. Hop, Le Bazar de l'Épouvante. De Stephen King avec Max von Sydow. J'ai souvenir de l'avoir vu il y a un paquet d'années et que ça m'avait bien plu. Et là, je suis content de l'avoir trouvé. J'ai dû mettre 2 euros là-dedans, mais... C'est avec Ed Harris, là ? Oui, il y a Ed Harris aussi. Oui, il y a Ed Harris, oui. Et ouais. Bonnie Bedelia. Mais ouais, de mémoire, c'était un chouette film, ça marchait bien. Et Max von Sydow, il a vraiment le charisme qu'il faut pour incarner des méchants comme ça. Donc, ouais, j'étais content de le trouver. Celui-là, je serais content de le revoir. Ah ouais, je comprends. Ouais. Mon oncle d'Amérique me l'a donné aussi, mais j'ai pas eu le temps. Hein. C'est pareil, quoi. Que ce soit l'oncle d'Amérique ou Emmaüs ou Easy Cash, j'ai plus le temps de les regarder. Oui, bah c'est ouais. Moi pour éviter, c'est ce que j'ai pour éviter de perdre du temps à chercher à me dire tiens qu'est-ce que je vais regarder, je les lance au dé. Déjà, je perds pas le temps de dire ah, je vais faire celui-là, celui-là. Ouais, mais... Non. Et après j'ai un deuxième problème en fait moi, c'est que je m'endors devant. Ah, ça m'arrive aussi. moi ça m'arrive tout le temps. Oui, mais faut regarder des bons films aussi, des fois. Mais même si c'est bien, je m'endors devant. Ah, merde. Bon, ouais, je verrai ça quand j'aurai pris des vitamines. Quoi. Donc, voilà. je vais continuer le trollage. Je t'avais dit que j'allais te... Ah. Oh, mais t'auras pas pire que moi sur ce coup-là, je t'ai gardé les meilleurs. Ah ouais, non, mais là, moi c'est du bon, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça à 90 centimes les trois. Voilà. Et quand c'est j'ai pas mal. Le premier, quand j'ai trouvé le premier, je fais oh chouette, oh je continue de fouiller, oh il y a le 2, oh le 3, oh j'étais trop content. Et là, j'ai trouvé ça. Infernal Affair, oh merde. Ah oui, ça c'est bon quand même. Et donc, j'ai trouvé ça. Le 2 et donc le 3 aussi. Eh ben donc le 3. Oh bah merde, oui là ça valait le coup là. Là c'est une bonne pioche là. Bah ouais, 90 centimes, surtout que le premier j'avais bien aimé. Hein bah, le premier il est chouette, hein, il est vraiment très chouette. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le remake des. Enfin, c'est l'original des. C'est l'original des Infiltrés de Scorsese. Très, ouais, voilà. Donc, si Scorsese l'a fait, c'est que ça devait être bien. Il y a des chances, oui. Bon, voilà, bon, après il a fait un peu moins bien maintenant, mais. C'est encore autre chose, ouais. Mais le Infernal Affair il est vraiment chouette, hein. Ouais, ouais, mais je sais que le deuxième c'est un préquel. Non, c'est pas le troisième qui est le préquel. Bah, je crois, non, parce qu'il y a marqué la naissance d'une légende sur le 2. Je crois que le 2 ah, c'est. Ah, bah peut-être alors, c'est peut-être le 2. Et le 3, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas du tout en quoi c'est. Enfin voilà, quoi. J'étais content pour 90 centimes. Oh, bah 90 centimes, ça a dû te coûter moins cher qu'à Seb qui a craqué sur le coffret Blu-ray. Même en solde. Je sais même pas combien il doit avec le coffret Blu-ray en solde. Ouais, ça doit pas être donné quand même. Hein. Ouais, je sais pas du tout, mais bon, c'est. Voilà, j'ai même un petit livret dans le premier, je crois. Non, c'est plutôt. C'est plutôt. Non, les éditions sont quali. Hein. J'ai l'édition. J'ai que le premier, moi, pour l'instant, dans la médiction de toi, et plutôt quali. Ouais, c'est plutôt quali, c'est un petit carton. Comme ça, j'aime bien les trucs un peu cartonnés, moi. Ouais, j'aime bien, mais faut pas que les autocollants des prix soient collés dessus. Moi j'ai dû, voilà, ça n'a pas été très bien enlevé, j'ai dû décoller l'étiquette. Ah oui, moi j'utilise de l'ess... Comment ça s'appelle? Un truc de chez Écarlate, là ça marche pas trop mal, mais bon. Au boulot j'ai dû décoller l'étiquette, donc je prends des fonds de bombe et puis je le fais. Ou alors il y a le sèche-cheveux. Ah ouais? Ouais, au sèche-cheveux, ouais. Ah, je connaissais pas la méthode. Bah tu te brûles les doigts, mais ça marche bien. Parce qu'en fait. Ça, les doigts, ça va. Le sèche-cheveux va chauffer la colle. Puis du coup ça va se dessécher et puis ça va tomber. Ouais voilà, ça va tomber, tu vas pouvoir la retirer tranquillement. Proprement. Assez proprement. Bon, ça colle encore un peu là. Il faudra mettre un peu plus dessus quoi. Mais... Tant que ça arrache pas le carton, c'est bien. Exactement, ouais, parce que ça me l'a arraché sur le géant de fer. Ah, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, ouais. C'est un snap case. J'aime bien les snap cases moi de chez Warner. Ouais, les boîtiers carton là qui se flippent. Ouais. Ouais, ils sont chouettes ceux-là. Bon, bah, c'est pas grave, le géant de fer, je l'ai retrouvé après dans un autre coffret, mais je les garde quand même mon snapcase parce que j'aime bien le format. Le format est cool, ouais. Ça va bien arracher parce que chez Easy Cash, ils ont tendance à mettre un petit bout de scotch. Oui, pour fermer. Fermer. Oui. Alors moi, à chaque fois, je vais là-bas, j'enlève le bout de scotch pour voir l'état. Ah oui, c'est vrai que c'est pas plus bête. Je regarde toujours parce que j'en ai vu qui étaient passés au tampon Jex, je ne les prends pas. Oui, je suis sûr que c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc moins de 20 balles le coffret Blu-ray de Seb. Ah, bon, ça va encore. Ça va, ça c'est va. Raisonnable. Non, mais 90 centimes... Non mais c'est imbattable. Voilà, 90 centimes, comme dirait l'autre, tu peux pas tester. Hein. Non, c'est clair. Bon allez, qu'est-ce que je vais te proposer maintenant? Toi. Oh là là. De l'action encore. 12 rondes avec John Cena de Rennie Harlin. Je l'ai celui-là. J'ai failli l'acheter deux fois parce qu'au cash il l'avait sous deux titres différents. Et comme oui, c'est un peu con, j'ai failli acheter les deux mêmes. Comment... le même jour en plus. Comment ça s'appelle l'autre? Je l'ai vu passer. Mais je crois que c'est le titre original. Ah, je l'ai vu passer ce truc-là. Ah, crotte. Ah, et j'ai ouais, failli me faire avoir aussi. Ouais, je vois pas le titre là, mais je crois que c'était le titre original. Enfin, j'ai failli acheter deux fois le même. Ah ouais, j'ai failli me faire avoir aussi. Ouais, ouais, attends, je vais regarder voir sur... J'espère que ce sera un bon sous The Marines. Je vois bien un truc de ce genre-là, un petit peu con, décérébré, qui pète de partout. Ouais, ça pète, hein. Ça pète. Ça pète pas mal, hein. Ouais, tout ce que je demande avec John Cena, je demande pas grand-chose. Hein. Oh bah, fais voir, là, j'ai pas la... Sur IMDb, il y a pas la... Ah, il y a 12 rangs. Ah putain, il y a le 2. Oh. Ils en ont ouais, il y en a eu deux ou trois, j'ai vu, mais c'est une franchise de la WWE, donc ouais. Comme ouais, c'est ça, il décline. Ouais. Hein. Ouais, le 2, c'est avec Randy Orton. Ouais, déjà, Cena, c'est quand même pas le top, mais... Ah, bon, il s'est amélioré quand même au niveau acting. Hein. Ouais, en comédie, je le trouve pas mauvais, Peacemaker, j'avais trouvé ça cool. Et le truc avec les pompiers chauds devant, c'était rigolo aussi. Ouais, ouais, mais par contre, Randy Orton, j'ai deux, trois doutes. Hein. Ouais, bah oui, moi aussi, oui. C'est moi, pas le premier acteur qui se louperait, Randy Orton. Hein. Ah non, non, mais bon, moi j'ai trouvé les Marines 2 et 3, je crois. Et c'est 3, pareil, 4, c'est plus Cena 4, dans, le 2, dans le 2 et 3. Non, non, c'est comment il s'appelle. Il y en a un, c'est Diatabase. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et puis l'autre, c'est comment il s'appelle. Oh, j'ai bouffé son nom, c'est un catcheur aussi. Oui, de toute façon, c'est les deux et des prods WWE, c'est que des catcheurs. Ouais, hein. Ouais. Ah ouais, bon, enfin bon. C'est leur star du moment qu'ils essayent de refourguer. Hein. Bah oui, parce qu'il faut bien les recycler, quoi. Mais bon, là, il y en a qui étaient pas mal, hein. J'ai vu le Sino Evil avec Kane, il était vraiment chouette. Le 2 est à chier, mais le premier était vraiment très chouette. Ah ouais? Ah lui, il fait peur, lui. Oh. Bah justement, c'est un film d'horreur, c'est fait pour. Il joue le Boogeyman et ça marche tellement bien. Ah ouais? Ah d'accord, ok. Bah, faudra que je regarde ça, alors. Ah, si t'as l'occasion, le premier, il est vraiment bien. Le débile, il est... Le deuxième, il est débile, mais le premier, il est vraiment chouette. Ouais, les films d'horreur, je suis... Pas trop sans. Oui, je suis un peu film d'horreur sans trop l'être. Ah ouais, bon, moi j'ai une grosse période film d'horreur. C'est compliqué, c'est plus les. On va dire avec certains classiques quoi en film d'horreur. Mais bon, après, moi j'ai des trucs cons aussi. Vas-y, en parlant de trucs cons. Ah ben, je sais pas. Alors j'ai vu ça, moi j'ai vu un requin, j'ai pris. Ah toi, t'es avec le requin? Non, tiens, c'est le même nom que le film avec le croco? Ouais. Mais oui, je pense que je me suis fait avoir en fait. Parce que là, il y a quand même. Oui, c'est sûrement, si, parce que en fait, j'ai un indice sur la jaquette. Là, je sais pas si tu vas voir, là, il y a un indice là. Lorenzo Lamas. Ah, bah ça va plaire à Jazz, ça. Lorenzo Lamas contre un requin. Bah putain, ça c'est. Alors, moi, ils sont sur une plateforme pétrolière. Bon, ça doit pas du coûter cher en décor. Non, bah ça. Non, c'est le principe. Ouais, la plateforme pétrolière, c'est pratique pour ça. Mais, oh là, attention. Après avoir constaté de nombreuses et inhabituelles attaques de requins contre une plateforme pétrolière du golfe du Mexique, Dan Quatrell, Lorenzo Lamas et une équipe sont envoyés sur place pour enquêter. Leur sous-marin est rapidement attaqué par des requins blancs dans les grands fonds face à des mangeurs d'hommes. La mort peut frapper à tout moment. Oh, ah, ça a l'air bien, hein. Ouais, je me suis fait avoir, moi, je pense. Ouais, ben voilà, ouais, je me suis fait avoir. Moi, mon truc, tu vois, ça, c'est les requins, moi, c'est les serpents. Dès que je vois des films avec des serpents, je prends. Donc, j'en ai plein maintenant, des grosses merdes avec des serpents. Ah, ouais, j'ai des serpents dans l'avion, hein. Oui, moi aussi, mais ça va encore. J'ai des bois versus pitons. C'est un zilame, ça. Oui. C'est pas bien, ça. Ça faut pas. Ah non, ah non, non, faut pas. Même l'affiche est dégueulasse, hein, mais bon. Non, pour ça, il y a plutôt TV. Oui, Pluto TV, c'est pas mal d'ailleurs. Un petit peu de passage pour Pluto TV, mais le Channel Asylum, il régale. Enfin, il régale, faut aimer. Faut être sadique, quoi. Ouais. Faut pas avoir peur de perdre des dixièmes. Hein. Oh. Ah ouais, non, c'est violent. Hein. Asylum, moi j'en ai regardé deux, trois. Oh. Mon Dieu, c'est un enfer. Ce que j'aime beaucoup du côté Asylum, c'est le côté. Un peu cynique quand même du produit en général. Ah bah c'est des... C'est vraiment trop, on fait de la merde et on le sait quoi. C'est des bâtards. Ah, il y a Sayan. Hein. Salut Sayan. Oui, ça me dit. Mais là, comme ça, je suis perdu là. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Oui. Il est sur Twitter aussi, oui. Oui, c'est ça. Il est sur Twitter aussi, Sayan. Oui, oui. Eh oui. Bon. Eh ben, ah bah oui, c'est toi qui m'as montré ce magnifique film de requin, j'avais oublié. Je sais pas si je vais le regarder un jour, mais enfin bon, je l'ai, quoi. Ah oui, bah moi, il y en a comme ça que j'achète. Je me dis, je sais pas si je vais le voir, mais je l'ai, au moins. Ouais, au moins, je l'ai, voilà. Bon, celui-là, je pense qu'il est bien, celui-là. Instinct to Kill, avec Marc Dacascos. Je connais Marc Dacascos, mais... Ouais, moi aussi, celui-là, bah, j'ai pas vu, du coup, je viens de l'acheter. Ouais. Mais bon, oh, je me suis dit, allez, ça doit être sympathique, quand même. En général, il a fait des films pas mal, Dacascos, j'aime bien. Ouais, Crying Freeman. Crying Freeman, Le Pacte des Loups, Drive qui est pas mal. Ouais, donc après, donc effectivement, ouais, voilà quoi, ben ouais. Donc il suffisait d'en parler pour qu'il soit. Bah, il suffisait d'en parler, Le Pacte des Loups. Il suffisait d'en parler, voilà, Le Pacte des Loutres. Voilà. Donc, c'est la moi j'aime bien Le Pacte des Loups, il est chouette. Là, moi aussi j'ai la grosse édition. Édition, ouais, bah j'ai payé ça 50 centimes. Ah bah Seb aussi, ouais, moi je crois que j'ai payé 2 euros, tiens. Seb l'a récupéré aussi. Ouais, ouais, bah, qui ne l'a pas, quoi. Bah, moi, je l'avais pas, il y a encore 6 mois, je l'avais pas. Oh, bah, ça fait... Ouais, ça doit pourtant, faire... je l'avais vu au ciné, j'avais adoré ce film. J'étais content de le retrouver, j'ai hâte de le voir avec mon gamin. Ah bah, moi, je verrai rien avec mon gamin, moi, en fait. Ah, mince. Il est pas ciné, moi. Ah, oui. Les jeux vidéo. Oui, bah, oui, le mien aussi, mais du coup, on fait aussi jeux vidéo. Moi, il est très jeu vidéo. Moi, c'est un gros geek. Il a vraiment un gros geek. Moi. C'est grâce à lui cette installation, parce que sinon, moi, j'y serais encore. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, tu pourras le remercier du coup, parce que comme ça, Sayan a pu nous voir en chair et en os. Il en est très content. Cool. Voilà. Il est très content d'avoir vu notre nouvelle. Bon, il devait connaître la tienne déjà, je pense. Bah, c'est possible. Oui, la mienne, je commence à la montrer un petit peu. Mais alors, moi, c'est rare. Bah, c'est une grande première. Ah ben exactement, absolument. Profitez-en, ça se renouvelle là. C'est peut-être pas prêt de se reproduire. Donc, mesdames. Hein, faut jamais dire jamais. Ouais. Mesdames, hein, c'est le moment. Voilà. Faites des captures d'écran. Voilà, exactement. Profitez-en. Hein, si vous en voulez pour votre argent, allez-y. Bon, ben c'est à ton tour là. Ah oui, t'as compté le pacte des loups. Ah bah je l'ai compté, ouais, bah oui. Bon, ouais. D'accord. L'escroc, à fond. Pour répondre à ta question, Seb, moi j'en ai plus d'une vingtaine à montrer, et je pense que Fred aussi. Ouais, j'en ai encore quelques-uns, ouais. Attends, on n'aura jamais fini à 22h. Bon. Je vais tricher encore un peu. Allez, Le Bouclier Humain, avec Michael Dudikoff. Hop, j'essaie de le mettre bien devant, voilà. Ah bah, quand j'étais gamin, Michael Dudikoff c'était mon héros. Alors maintenant, dès que je vois des DVD avec lui, je les achète. Et ils sont tous plus pourris les uns que les autres. Et celui-là, j'espère que ce sera le bon film parce que c'est du prisme. Ah, je sais pas si on voit bien. Et j'ai des gros doutes sur le fait que ce soit le bon film. Enfin, on verra. Ah bah, une chance sur deux, quoi. Plus que ça, je crois. Une chance sur 5 ou 10, mais bon. Pour moi, Dudikoff c'était le ninja blanc. Le Ninja Blanc et American Warrior 2, dont j'avais parlé justement avec Jadecep, qui est vachement bien. Voilà, moi c'était juste lui là. Moi, pour moi, Dudikoff c'était ça, quoi. Puis après, j'ai vu qu'il avait fait autre chose. Ouais, bah oui, bah, il a une belle carrière, une belle petite carrière, on va dire. Ouais, bah il aurait pu faire mieux lui aussi. Hein. Bah oui, bon, il aurait pu faire mieux en se donnant de la peine quand même. Mais... Ouais, parce que bon, il est un peu. C'était un peu là, au niveau expression, c'était un peu Steven Seagal avant l'heure quand même. Hein. Un peu, mais en plus souriant quand même. Il a l'air plus sympathique que Steven Seagal. Ouais. Enfin, ça, en même temps, tout le monde a l'air plus sympathique que Steven Seagal. Oui, c'est vrai. De toute façon. Tout le monde est sûrement plus gentil. Donc, bah, je vais retricher encore un coup. Vas-y, retriche. Retriche. Parce que là, il n'y en a pas un, il y en a trois. Ah bah bravo. Moi aussi, j'en ai avec trois. Qu'est-ce que t'as de beau là-dedans? Rien. Oh, vache. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là, en plus, j'ai voulu regarder le premier deux fois. Il dure 1h20. Je me suis endormi à chaque fois. Tellement c'est bien. Ça fait penser un petit peu à Sin City, tu vois. Ouais, mais en moins bien. Ouais, ça va, même la typo, tout, il fait penser. Ouais, tout. Et apparemment, j'ai remarqué qu'apparemment, ils en ont fait un deuxième. Hein. Oh, merde. Bah, comme Sin City, ouais. Alors. Voilà. Après, j'ai pris un autre truc parce qu'il y avait... y avait des gueules que je connaissais de second rôle là, Hellgate Bridge, je connais pas du tout, et Double Sentence parce qu'il y avait James Coburn. Oui, lui aussi il a cachetonné à la fin. Oui, bah, là il vient pour ça là. C'est ça. Et non, Sayan, il n'y aura pas de spécial Christian Clavier, je suis désolé. Vraiment, mais j'en ai... je crois que j'en ai même pas dans ma bibliothèque. Non, j'en ai. J'ai des visiteurs. Ouais, j'ai du mal avec ces visiteurs. Peut-être si je trouve les anges gardiens, je dis pas. Ouf, la vache. Ah bah oui, bah tant qu'à faire. Ah bah c'est des coups à finir épileptiques, hein, les anges gardiens quand même. Hein. Hey, je l'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. Ça laisse des séquelles. Moi j'ai vu les visiteurs au cinéma quand j'étais. Oui, moi aussi. Ouais, ça. Mais j'étais plus vieux. Ouais, les anges gardiens, j'étais pas beaucoup plus vieux. J'étais pas très vieux. Ah, moi, mais du coup, quand on voit les anges gardiens au cinéma, bah après, on achète ça. Ah oh, putain, Aladdin avec Bud Spencer, tu l'as ? Ouais, ah, je l'ai. Ouais, il doit être très vieux. Je l'ai. J'avais même pas l'existence de ce truc. C'est douloureux. Ouais, j'imagine. Bah, tu sais, avec mes gamins, on fait tous les ans une nuit nanarkide. On oui, se fait trois nanars et tout ça, avec bande-annonce, des jeux et tout. Je pense que pour celui de l'année prochaine, ils vont avoir le droit à celui-là. Mais là, de mémoire, il a la voix de Barracuda dans celui-là. Ah, bah remarque, c'est pas... ça va, c'est pas déconnant. Ça passe. Bah, ça passe en termes de voix. Mais si c'est pas sa voix habituelle des Trinita, ça va gêner un petit peu. Bah, Claude Bertrand est décédé en 86, je crois. Ah oui, donc oui, bon, c'est après. Ah oui, bien après, oui. Bah, mais les Trinita, si tu as. Tu as les DVD, non ? Ouais, j'ai les DVD, oui. Je crois que c'est les éditions M6, les DVD pas trop dégueux. Ouais, moi, j'ai les DVD de TF1, DVD à la une. Ouais. Dans le deuxième Trinita, sur le DVD, c'est le doublage cinéma. C'est pas le doublage télé. Ah ! Alors, j'allais dire, c'est mieux, mais c'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre, du coup. Non, c'est pas normalement, tu entends Patrick Poivet. Ouais. Bruce Willis, et puis la voix de Bud Spencer, là, qui faisait Roger Moore aussi, tu vois. Ah, je savais pas qu'il faisait Roger Moore, tiens. Bah, dans les James Bond, c'est lui. Ah ouais. Bah ouais, remarque, en même temps, c'est logique. Enfin, c'est, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Bah oui, mais ça, tu fais un gros bruit d'un côté, un gars super classe et chic de l'autre. Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est la même voix, effectivement. Et sur les DVD, tu regarderas le tien, voir. Parce que je suis pas sûr qu'il soit sorti avec le doublage télé. Ouais, c'est possible, en fait, je regarderai, tiens, j'ai jeté un œil. Une oreille. Oui, une oreille, certes. Bah non, j'ai jeté un œil à ce qui est écrit, en fait. Et en fait, il a. Terence Hill, il a la voix de Pierre Arditi. Dans celui-là. Ouais. Et si t'écoutes un peu, alors il y a débat, mais Bud Spencer, pour moi, il a la voix de Victor Lanoux. De Louis Labrocorte. Ouais, non, mais j'ai Victor Lanoux. Ouais. Mmh. Ah, bah, alors, il y en a qui disent que c'est un autre acteur, mais moi, j'ai l'impression d'entendre Victor Lanoux. Putain, Pierre Arditi, Victor Lanoux pour Trinita. Ouais. La vache. Et le montage est différent en plus. T'as pas les mêmes scènes au début. Ah oui. Mmh. Bah, moi, je les ai récupérés, si ça t'intéresse. Je pourrais t'envoyer ça. Oh bah, je pense qu'on en rediscutera. Alors, c'est vraiment des films que j'adore, moi, les deux Trinita. Ouais, bah, si tu l'as vu, j'ai des versions HD plus qu'intégrale, avec des bouts en italien, en allemand, j'ai tout. Total. Du tout. Si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on en reparlera. Aucun problème, avec plaisir. C'est ton tour, là. J'ai triché. Bah non, moi, je t'ai montré Aladdin. Ah oui, tu m'as montré Aladdin. Bon, alors, on va faire dans l'hommage. Ah. Ah bah oui, effectivement. The Doors, oui. The Doors, je l'avais jamais vu avant. Hein, avant de l'avoir. Je l'ai pas encore vu, tu vois. Ah, il est exceptionnel. Il est vraiment bien. Hein. Oui, pareil, oui. Et en plus, bah, je l'ai trouvé au cache. Et c'était un gars avec qui on discutait parce qu'il était en train de fouiller. Et il m'a dit, je regarde, je l'ai pas celui-là et tout. Ouais, il me fait, allez, tiens. Prends-le, mais dis, vous l'avez pris avant moi, je voudrais pas vous priver. Ah, prends-le, ça me fait plaisir. Oh, j'étais trop content. Bah oui, quand c'est comme ça. J'étais trop content quand on avait discuté un peu et tout. J'avais conseillé un truc que je vais montrer après d'ailleurs. Et puis, j'étais vraiment trop content. Quoi. C'était franchement. C'est plutôt chouette. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Puis il est bien en plus. Puis pour 50 centimes. Oui, c'est encore mieux. Ouais, voilà. C'est encore meilleur quand c'est pas cher. Ah bah c'est comme tout, oui. Bah, faut que ce soit bon quand même, hein. Enfin bon, après... Ouf. Ouais. Ça se discute. Ouais. Non, c'était en le disant, je me disais que j'étais en train de dire une connerie, donc je comprends tout à fait. Bon, et déjà, en parlant de pas bon, j'ai ma pépite, le truc le plus déviant que j'ai dans ma vidéo deck. J'ai eu honte quand je suis passé en caisse. Tu leur dis, ne me jugez pas. Non, même pas. Je leur ai dit que j'avais honte. Madame Doubtfire met la version théâtre, putain, avec Michel Leeb. Ouais, parce que j'allais dire, Madame Doubtfire, ça va. Non, Madame Doubtfire, ça va, c'est un très bon film. Et là, c'est la version théâtre avec Michel Leeb. J'ai dû tomber dessus un petit peu sur certains trucs, ouais. Là, j'ai eu un peu honte. Ah, voilà, tu vois, Seb, c'est celui-là que je te parlais où j'avais honte en passant en caisse. Ouais, bah en général, il faut le noyer. Tu sais, il faut en mettre plein d'autres avec. Oui, alors vu tout ce que j'avais avec, j'avais Hercule à New York et d'autres trucs de jeu. Et Ninja 3, je crois. C'était dur à noyer dans la masse. Ouais, quand la masse est déjà pas terrible, forcément. Mais oui, déjà. Mais c'est quand même marrant, ça, tu parles de Michel Leeb parce que. Moi, je l'ai racheté, hein. Je l'ai trouvé aux Emmaüs et je l'ai racheté, je crois. Parce qu'en fait, c'était une autre. J'avais sous une autre édition et j'ai repris ça. La véritable histoire du petit chaperon rouge, je crois que j'avais été le voir au ciné, ça. C'est pas très bon, hein, de mémoire. Ah, oh, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime bien. Ah ouais ? Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu à la Usual Suspect. Oh non, c'est pas ça, alors, j'allais voir autre chose. Ils en ont fait d'autres dans le même genre ? Il y en a un deuxième qui est dégueulasse. Mais que j'ai aussi. Que j'ai vu alors. Allez, tant qu'à faire. Mais, je suis complétiste. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est le problème. Et celui-là, je l'ai racheté parce que j'avais les éditions Vidéo 10. Tu dois connaître ça, Vidéo 10. Oui, ça me dit quelque chose, édition bien, voilà. Bien crado là. Je suis tombé, à chaque fois que je suis tombé, c'était pas mal. À part une fois sur un doublage québécois, bon, je l'ai revendu. Oui, sans rien dire, évidemment. Et en fait, dans celui-là. Le loup, il est doublé par Michel Leeb. Ah ! Il y a donc un lien. Voilà, il y a donc un lien. Et en fait, je l'ai repris parce qu'à l'arrière, tu as les, le making-of du doublage. Ah, ça doit être sympa, ça. C'est toujours sympa, un making-of de doublage, je trouve. Ouais, c'est toujours sympa. Ouais. Avec, il y a Dominique Lavanant, il y avait Maureen Dor, il y a même Edgar Givry, c'est la voix de MacGyver. Ah, d'accord. Voilà. Et à un moment, tu as la. Bah, elle dit sur YouTube, tu regarderas la scène. En vrai français, la scène du bouc qui chante. Ouais. Ouais, bah, j'irai voir ça. Ouais, et c'est Michel Mella. Michel Mella qui a repris. Qui fait beaucoup de doublage. C'est le fils d'un des compagnons de la chanson. D'accord, ok. Et qui fait beaucoup de doublage. Et c'est lui qui avait fait la direction artistique de ce truc-là. Et je l'ai repris uniquement parce qu'il y avait le making-of du doublage. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est un bon bonus, un making-of de doublage. Mmh. Ouais. Mais bon, Michel Leeb, il est content. Ça fait 10 ans que personne ne parlait de lui. Et là, on veut. Et là, on laisse. Deux à voir un de ses films. Bon, alors là, je vais faire un peu l'escroc parce que celui que je vais te montrer, je ne l'ai pas trouvé en cash. On me l'a envoyé. On me l'a très, très gentiment envoyé. Donc j'en profite. Ah, je suis sûr que c'est Doumé qui t'a envoyé ça. Exactement, c'est Doumé qui me l'a envoyé. Voilà. Doumé, il envoie des trucs à tout le monde. Mais pas à moi. Hein, Doumé ? Bah, vas-y, demande-lui. Non, mais il me l'a envoyé spontanément suite au podcast que j'avais fait pour mon papa. Et ouais. Du coup, Doumé m'a envoyé la cuisine américaine. Voilà. Et pour New York. Voilà. Donc, écoute, j'en profite, je remercie encore Doumé, je pense pas qu'il soit connecté, qu'il regarde, mais je pense qu'il écoutera, donc merci encore Doumé, ça m'a vraiment touché comme attention, c'était très gentil. Ah oui, suite à ça, ouais, ça m'avait touché aussi ce que tu avais fait. Merci. Je ne cache pas que j'étais pas bien après. Hein. Pardon, moi, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas bien. C'est pas grave, si ça t'a fait du bien, c'est le principal. Ouais. Donc, alors moi aussi dans la. Ah, putain, je l'ai pas vu, je savais même pas qu'ils en avaient fait un deuxième. Shot 2. Oh merde, je savais pas qu'il y avait un deuxième non plus. La fiche du premier, elle était dans tous les vidéoclubs tellement elle était graphique, mais. Il m'avait marqué moi à l'époque hein, quand j'étais gamin. Enfin, je l'avais pas vu, mais il m'avait marqué. Et l'affiche m'avait marqué. Ouais. Et là, il y a un deuxième, je me suis dit, bon, allons-y quoi. Bah, faut y aller. Voilà. La première erreur, voler le cadavre. La seconde, lui redonner vie. Oui, ça marche pour tous, hein. C'est toujours une mauvaise erreur. Ouais, le seul cadavre en question, là, c'est jamais bon signe. Là, il y a l'étiquette d'un autre leader cash à Tournord. Il le vendait 7 euros quand même. Ah bah, s'il est rare, il est rare. Hein. Ce shot de deux. Mais il y a un gars qui l'a acheté 7 euros. Bah, là, ils n'ont pas réussi à le revendre, ils l'ont descendu petit à petit. Hein. Moi, j'espère qu'il avait une bonne mutuelle, hein, parce qu'à 7 balles. Oui, c'est clair. Et oui, Seb, t'as raison, Doumé, c'est vraiment un amour, il est très gentil. Ouais. Enfin, voilà, quoi, Quatchet 2, donc il va falloir que je me brûle les yeux et essayer de regarder ça. Voilà. Et ben, en parlant de se brûler les yeux, on continue sur la lancée. Triade versus Yakuza, une très belle pochette bleue avec un titre jaune. J'arrive pas à savoir si c'est une comédie ou si c'est sérieux. Bah, tu nous le diras, hein? Oui, je vous le dirai quand je serai tombé dessus. Ouais. Donc, je sais pas ce que ça vaut du tout. 100 minutes de pure dynamite, ouais. Bon, on verra ça. Hong Kong USA, format 4 tiers. Ouais. Oh bah tout est vrai, tout bon quoi. Je suis pas convaincu. Ah, moi aussi je suis pas convaincu, mais bon bref. Alors, ah oui, ça parce que je voulais en parler. Parce que je... Enfin c'est pas... C'est plus une sélection. Après j'ai joué le jeu sur certains trucs que j'ai pris récemment. Mais là je voulais absolument montrer ça parce que c'est pas super... Enfin, je sais pas si tout le monde connaît. Les cadavres ne portent pas de coaster. Le titre me dit bien quelque chose mais je pense pas l'avoir vu. Ah, c'est un film de montage. Ouais, comme la nuit américaine en quelque sorte. Comme la classe américaine. La classe américaine, oui, la nuit américaine, c'est un procédé technique. Donc il y a un peu dans ce style-là. Mais c'est marrant. Bah, c'est en noir et blanc. Steve Martin, ça va être sympa, ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. Ouais, ouais. Mais non, mais en plus, je crois que je l'ai. Attends, je te dis, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas vu, certes, mais je crois bien que je l'ai. Il doit traîner derrière, là, je le vois, là, en haut, là. Il est en haut, là, dans le côté. Là, ouais, je l'ai peut-être en version Tipiak, ceci dit, mais bon. Ouais, moi, je l'avais acheté il y a longtemps, celui-là. Purée. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est en 4 tiers, quoi. Ouais, bah, tiers, si c'est des vieux films, t'as forcément du 4 tiers. Ah non, mais il est en 4 tiers, Letterboxd. Mais 4 tiers quand même, quoi. Ah oui. C'est pas super agréable. Mais... C'est pas le meilleur format. Non, c'est pas le meilleur format. Bah, j'ai The Film comme ça aussi. Oh merde. Ouais. Ouais, The Thing, quand même, ça pique. Hein. Ouais, ça fait chier. Ouais. C'est mieux avec le beau format. Bah ouais, mais j'aimerais bien le retrouver, mais bon, j'ai pas envie d'y laisser un rein, quoi. Oui, oui, c'est clair. Moi aussi, je crois que je l'ai The Thing, quand même. Ouais. Pareil, ouais, c'est chez Universal, je crois. Il y avait que ça à l'époque, quoi. Ouais, puis je crois qu'il y a... Si, il y a Canal qui avait ressorti tous les Carpenters, Studio Canal qui avait ressorti tous les Carpenters. Ouais, je crois qu'il y avait j'en ai quelques-uns. Mais je sais pas s'ils avaient les droits pour celui-là. Ben je sais pas, tiens, c'est vrai. Je peux regarder. Ouais, j'ai les autres. J'en ai pas mal des autres, ouais. J'ai pas pris d'ailleurs, là, mais bon. Ouais. Voilà, quoi. Invasion Los Angeles, tout ça. Les classiques. Les classiques, ouais. Non, celui-là, j'ai pas pris. Mais bon, après, j'en ai d'autres, hein, des trucs. Hein. Ouvre, la journée ou pas. Ouais. Allez. La finesse, toujours la finesse. The Mechanic 2 et avec Dolph Lundgren. Je crois que c'est son premier film. Et... Ah. Je sais pas ce que ça vaut. Dolph Lundgren, j'ai une certaine sympathie pour lui. En général, il m'amuse, mais... Moi, j'en ai quelques-uns, là aussi, en double programme, aussi, que j'ai trouvé, aussi, pas très cher. Là. Mais je les ai pas mis dans la sélection. Faudra refaire un truc. Oui, bah, oui, moi, c'était ce que j'ai chopé dernièrement. J'ai fait beaucoup de cash, dernièrement. J'en ai une cinquantaine. Je sais pas, en deux. Ah oui, voilà. Non, j'ai fait un petit peu de tout. Il y a des trucs que j'ai pris dernièrement, des trucs que j'ai pas pris dernièrement. Quoi. Ce que j'ai pris dernièrement, j'ai pris ça aussi. Ah putain, j'ai vu au ciné, j'ai détesté ce film. Alors, hein, ah ouais? Ah ouais, un enfer. Et pourtant, j'adore Dupontel, hein, mais... Moi aussi, j'adore Dupontel, donc... Je crois que je regarde. Je pense qu'il n'a pas été ouvert, c'est qu'il doit y avoir une raison. Bah, un achat en doublon, un cadeau. Ouais, je sais pas. Et je l'ai payé, ouais, il est marqué 2,99, mais je l'ai payé 50 centimes aussi. Voire peut-être même 30. Ouais. Ils sont à toi. Moi, j'ai été le voir au ciné, j'avais regretté mon investissement ciné. Ah ouais? J'ai pas du tout aimé le bruit des glaçons, mais alors, un truc de dingue. Bah, je dirais ça quand j'aurai... Tu me diras ce que t'en as pensé. En même temps, je peux pas piffer du jardin, ça aide pas. Hein. Ah, c'est compliqué, effectivement, oui. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est sûr. Non, Seb, c'est pas du Coca, c'est du Dr Pepper, mais il est un peu tiède maintenant. Est-ce que ça a l'air d'inquiéter Seb? Ben moi, je bois pas, hein, vous remarquez, hein, je suis sobre comme un chameau. Hein. D'ailleurs, oh, bah, c'est du Dr Pepper, ça va. C'est du sucre. C'est du vrai que du sucre. Tiens, Seb, celui-là, Jazz, il va être content. Gangland 2010, depuis le temps qu'il en parle, je l'ai trouvé. Ça sent pas bon. Non, ça sent vraiment d'ici pas là. Bon. Je le sens d'ici là. Voilà, ça... rien que le casting, Costas Mandylor, Sacha Mitchell, Ice-T. Oh la vache. Et Sacha Mitchell, il arrive à lever la jambe dans celui-là ou pas, non? Ben, je sais pas. Ouais, sur la photo derrière, il a l'air d'avoir du mal. Hein. Ouais, ça a pas l'air bon, mais je le regarderai avec un certain plaisir. Tiens, bah tu m'étonnes. Ouais. Je te crois sur parole. Hein. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Alors moi, moi je vais te retroller encore un coup, quoi. Hein, les snipers, tu connais? Oui. La série Sniper, hein. Oui, j'ai le 1, le 2, le 3, ouais. Regarde donc ça. Oh, la totale. Enfin, non, il n'y a pas la totale. Ils ne pourraient pas les mettre dans l'ordre sur la boîte. Il n'y a pas les trois premiers. Il y a le 4. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai les trois autres qui traînent là-haut. Quoi. Une série de qualité. Ouais. Le premier, ça va encore. Puis après. Ça décline très vite. Moi, j'aime bien, dans le même genre, j'aime bien la série des Substitutes, que je trouve plus sympa. Oui, mais là, attends, ils m'en mettent combien? Oui, 4, oui, c'est ça. Ouais, 4. Les 4 sont comme ça, là-dedans. Oh putain, bah, c'est histoire 4, 5, 6, 7. C'est vraiment pour être complétiste. Hein. C'est absolument ça, oui. Oui, sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein. Bah, c'est un peu comme les détours mortels, ça n'a aucun intérêt si t'es pas complétiste. Hein. Au-delà du 2... Oh putain, je crois que j'ai même pas vu le 1, quoi. Des trucs comme ça, je suis pas trop survival. Ah oui, t'es pas trop film d'horreur, toi. Bah, enfin, oui et non, mais survival horreur, là, ça. Voilà. Bon, tu rap and revenge, là. Ouais, je m'en doute bien. Ah, c'est pas du rap and revenge, hein, c'est vraiment du sous Vendredi 13. Hein. C'est du sous La colline à des yeux, même pour être plus précis. D'accord. Non, Roland, détour mortel, au-delà du 2, ça devient difficile quand même. Le 3, je te fais les mêmes effets spéciaux en une demi-journée, quand même. Ouais, je sais pas, j'ai dû voir des bouts du premier, mais ça m'a pas passionné. Je regarde des conneries, mais pas celle-là, en fait. Oui, Roland, vous avez été peut-être un public facile, je pense que c'est ma raison. Ouais, bah après, on a tous nos déviances, hein. On a tous nos déviances, hein, parce que je dis ça, mais je les ai vus quand même, les détours mortels. Ouais. Et les Tremors aussi, j'adore la série des Tremors. Ah, c'est pas la même chose, hein. Moi, non, ça me fait beaucoup plus rire. Ouais, c'est beaucoup plus drôle, les Tremors. Les deux premiers sont... Ouais, jusqu'au 4-5, moi, je les trouve bien, puis après, je trouve ça sympa quand même. Moi, bah, j'ai les 4 premiers, je crois. Le 4e, version western, je trouve sympa, ouais. Ah ouais, avec l'autre, là, avec sa tête de fouine, là. Il joue dans Les Incorruptibles. Oui, c'est ça. J'ai plus son nom, mais oui. Ah, oui, dans Les Incorruptibles, effectivement. Ouais, la sale tête, là. La sale tête de Musarine, là. Oh là là. C'est ça. Ouais. Tiens, et c'est moi qui vais te troller un peu, cette fois. Ah. Hop, Jackie Chan, Crime Story. Je suis assez content. J'avais trouvé les deux premiers Police Story. J'ai trouvé celui-là aussi l'autre jour. J'espère que c'est pas le même film parce que j'ai un petit doute, mais je crois pas que ce soit la même chose, les Crime Story. C'est des coups à se faire avoir, ça, de toute façon, avec tous les trucs qu'il y a. Alors, moi, je vais changer un peu. Parce que, comme je fais de la musique aussi à mes heures perdues. Voilà. Donc, de temps en temps, je prends des DVD de concert. Voilà. Pourquoi pas? Ah, Bachung, sympa. Ouais. Sympa, Bachung. Donc, faudra que je regarde ça. Je pense que c'est un de ses derniers concerts parce que il a son chapeau sur la tête. Je pense que là, il devait être relativement déjà bien malade, le pauvre. Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais, il y a des chances. Ouais. 2009. Je sais même plus quand il est décédé. Ça leur fait déjà un moment. Il a dû décéder vers 2009, hein, je pense. Ouais. Comme le temps passe vite. Oui, ben. Donc, oui. Voilà. Donc, il faudra que je regarde un petit peu, que je regarde un petit peu ça, quoi, que je me mette ça en fond. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ouais. J'en ai quelques-uns des DVD de concerts comme ça. Ouais, moi j'en ai quelques-uns. J'ai Pink Floyd à Pompéi et je sais plus ce que je crois, j'en ai deux ou trois, mais. Ouais, sympathique ça. J'aime bien. Ouais, ouais, Pink Floyd c'est plutôt cool. Allez, un petit film d'horreur, je sais que t'aimes ça. Ah. Hop, Death Tunnel. C'est du sous la maison de l'horreur. Alors tu vois, déjà la maison de l'horreur, c'est pas forcément fantastique, même si j'aime beaucoup. Et ça, c'est un peu en dessous. Je me souviens l'avoir vu quand c'est sorti, je me dis, oh, c'est sympa. Ouais, j'ai retrouvé 1€, je l'ai pris. Peut-être que je vais me dire que ouais, non, en fait, c'était de la merde. C'est soi-disant inspiré d'une histoire vraie parce que ça parle du sanatorium de Waverly Hills, qui est soi-disant un des lieux les plus hantés d'Amérique, et qui avait un tunnel exprès pour évacuer les corps. Donc en partant de ça, après tu fous les jeunes débiles habituels dedans, et puis tu les trucides un peu. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu... Si on trucide du jeune débile, moi ça me va. Hein. Ouais, c'est peut ça. Être bien. Hein. C'est... Alors qu'est-ce que j'ai là, moi? Alors là, je sais pas non plus ce que c'est. Hein. Dead Heads, ah, je crois que je l'ai vu ça. Oui. Aucune idée de ce que c'est. De mémoire, c'est pas fantastique. Moi, j'ai vu des zombies. Quoi, donc... Des zombies, des cockneys, ça fait une espèce de Shaun of the Dead un peu plus bourrin et un peu plus ouais, hein. Budget, on va dire. Bon, j'ai dit, je tente. Hein, sans... bon, l'avantage, c'est qu'à ce prix-là, tu prends aucun risque. Bah, c'est ça. Tu prends juste le risque de l'encombrement, tu vois. Bon, ça c'est bon, ça c'est déjà fait, je te remercie. Il y en a partout de ça, donc. Voilà. Tiens, bah écoute, en parlant de films jamais vus, je suis tombé sur ça, moi. Attends, hop, Rétroaction avec James Bellucci. Ah, oui, il est sur. Oui, je crois qu'il est sur YouTube. C'est une histoire de boucle temporelle, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Apparemment, c'est une boucle temporelle. Je crois que j'en avais entendu du bien dans Mad Movie il y a une bonne vingtaine d'années quand il était ressorti. Et bon, moi, puisque là je l'ai trouvé, je me suis dit ça se tente. Et après, je me trouve que c'est peut-être pas ce film-là, mais je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, mais pour moi, son seul problème, c'est qu'il est doublé en québécois. Oh non. Je crois. Il me semble. Ça va pas être noté, mais il me semble. Ouais, mais non, mais je regardais, c'est du Orion Pictures et Neo Publishing. Ouais, c'est possible. Ouais. Oh, hey, Warner, ils le font. Warner le fait aussi, hein. Oui, Warner le fait aussi, mais il y en a, ils sont spécialistes quand même. Warner, j'en ai deux comme ça, là. Oh, les salauds, quoi. C'est pas cool. Ah bon, bref, c'est pas grave. Alors, moi, tu m'as dit que j'étais pas film d'horreur, mais j'ai quand même pris ça. Oh, c'est de la merde. Oh putain, quelle merde. Oh la vache. Le corbeau l'a descendu. Je me suis dit, tiens, faut que je le voie aussi. J'en avais un bon souvenir, j'avais vu quand il était sorti, c'était sympa. Oh, c'est un chien. Oh, c'est mauvais. Oh, nom de Dieu. Ah, merde, c'est à se demander comment Kevin Williamson a fait carrière. Ah, merde alors. Bah, ah, mais ça te fera peut-être rire, hein. Bah, il y a peut-être une chance, hein. Ah ouais, non, Mrs. Tingle, pour une fois qu'on était d'accord avec le corbeau, c'était vraiment de la merde. Ah ouais, parce que là, il y a marqué, il y a un bonus à propos de Kevin Williamson. Alors, je sais pas ce qu'ils ont à dire à propos de lui, mais on verra. Bah, scénariste de Scream, souviens-toi l'été dernier, ça a été le Golden Boy d'Hollywood pendant 3-4 ans. Ouais, et puis après, Mrs. Tingle, bizarrement, il a disparu. Ah ouais. Jusqu'où auriez-vous pour avoir une bonne note? Putain, la vache. Bah, écoute, on verra bien, quoi. Ah bah, bon, bah oui, si bah. Bah oui, bah, à mon avis, je pense que. Il y a des chances que je me rallie à votre avis, mais bon, on verra bien. Bah, hé, oh. On n'est pas là pour une bonne surprise. Oh, là, tu risques de pioncer, hein. C'est mou, putain. Ouais. Ah ouais. Ah putain. Bon bah écoute, je te raconterai mon sommeil alors. Non, Roland, c'est vrai qu'on respecte pas grand chose. Alors si, tiens, allez. Moi j'ai chopé un bon film. Enfin, un film que moi j'aime beaucoup. Le Témoin du Mal avec Denzel Washington. Ah, je l'ai celui-là aussi, ouais. Voilà, j'ai toujours adoré ce film là depuis que je l'ai découvert. J'ai trouvé vraiment très très bien. Avec la musique des Stones qui reste en tête longtemps après. Mise on my side. C'est ça. Yes, c'est là en tête tout le temps. En plus, même si tu n'arrives pas à parler, si tu parles anglais comme une vache espagnole, juste ils ont les accents français, ça passe. Ça passe. C'est vraiment un très bon film fantastique que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce film. Je sais même plus quoi te montrer, moi, tellement j'en ai là, les conneries. Ça! Parce que ça, voilà. Je ne connais pas du tout. Phil Collins ? Oui ! Oui ! Ah ouais ? Phil Collins, Buster. Buster avec Phil Collins. Ouais, il était passé sur... il l'avait sur Arte pendant un moment. Ah ouais ? Moi, je connais pas du tout, c'est une comédie ? Ouais, plus ou moins, c'est la l'attaque du train postal en 63. Ah, de Buster Keaton. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Donc, j'étais content de le trouver, quoi. Bon, il est en 4 tiers aussi, hein, normal. Bah. Ensuite, ouais. Et puis, j'étais content de le trouver parce que j'aime bien Phil Collins, voilà. Bah, t'as le droit. C'est messieurs de les gens de South Park, si vous me regardez, parce que je sais qu'ils l'aiment pas, je sais qu'ils le détestent. Donc voilà quoi. Et puis en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en version française, Phil Collins, il a la voix de Russell Crowe dans Gladiator. Ça, c'est classe. Voilà. Bon, ça fait un peu une grosse voix sur quelqu'un qui a la voix aiguë normalement, mais bon. Ouais, bon, c'est pas grave, ça passe. Ça passe. Ouais, allez, tiens. Encore un grand chanteur qui fait des films. Tu vois, tout est lié. Ouais. Bones, avec Snoop Dogg. Ouais. J'ai dû voir des extraits de ce truc-là. Attends, ça fait 20 ans que j'avais vu la bande-annonce, mais t'es dit, putain, faut que je le voie. J'avais pas eu l'occasion de mettre la main dessus. J'ai eu Woods of Horror, j'ai Doumé qui m'a envoyé plein de Snoop Dogg absolument infernaux, mais j'avais pas encore celui-là. Comment ça s'appelle, tu m'as dit déjà ? Bones. Des os. Ah, Roland, tu défends pas Bones ? Oh bah merde. Je dis ça va, je l'ai pas. J'ai dit je me fous de toi, mais si ça se trouve, je l'ai. Alors non, je l'ai pas. Mais ouais, Snoop Dogg a fait quelques bons films quand même. Alors on n'est pas à l'abri, ça passe pas mal. En plus, il aime bien le cinéma d'horreur. Les Woods of Horror étaient très sympas, par exemple. Je connais pas du tout. Bah, c'est une sorte d'anthologie façon Conte de la Crypte, mais présentée par Snoop Dogg. C'était plutôt chouette. D'accord, ok. Et puis bon, bah là, il fait une sorte de croque-mitaine. Enfin, je sais, on verra bien. Ouais, bah ouais. Alors, moi, je vais continuer dans la comédie, parce que ça fait très longtemps que je le lis, celui-là. J'ai encore le ticket de caisse à l'intérieur. Là, toi aussi, tu mets le ticket de caisse à l'intérieur, au cas où. Ouais, là, ouais. Celui-là, ouais, parce que je l'avais payé 79 francs. Ah merde. Ah oui. Eh oui, le 6 octobre 2001, à 13h22. Bah, c'est précis. Oui, c'est précis, oui, bah oui. Ça, parce que pour moi, c'est une des meilleures parodies qui existent. C'est bien. Oui, c'est Alarme Fatale, il n'y en a eu qu'un, c'est pas un 2 que je vois en dessous. Non, c'est le 1, parce qu'il précisait 1 déjà. À l'époque, oui, mais moi j'aime bien Alarme Fatale, je l'avais revu sur Amazon il n'y a pas longtemps, c'est sympa. Ouais. Oui, il est en. Je crois qu'il est sur YouTube, hein, en HD. Ah aussi ? Ouais. Mais ce truc, c'est qu'il est doublé en québécois aussi. Oui, ah bah, tu vois, sur Amazon, on avait un doublage français quand il était encore sur Amazon. Ouais, c'est pas possible, il existe pas. Ah ouais ? Non. Ah non. J'ai pas trop détecté le québécois, alors il m'a pas sauté aux oreilles. Bah non, il saute pas aux oreilles, mais il y a des petits mots. Ah ouais ? Qui disent... Ouais, ça s'entend sur 2-3 phrases. Mais comme c'est pas les voix habituelles, bah, tu sais que c'est du québécois. Bon, les voix habituelles, la voix des... C'est qui déjà ? C'est Emilio Estevez ? Ouais, bon, il a pas de voix. Je peux pas dire que j'ai vraiment sa voix habituelle en tête. Non, il en a pas. Il en a pas. Mais Samuel L. Jackson, on l'a connu, sa voix habituelle. Ouais, mais là, c'était un de ses premiers films. C'était peut-être pas encore sa voix habituelle. Voilà. Whoopi Goldberg aussi. Il y a Whoopi Goldberg. Elle a 3 lignes, Whoopi Goldberg, dedans. Ouais, non, ils auraient pu au moins... Mais non, c'était pas elle non plus. Donc... Bon. Mais bon, oh, ça passe. Mais c'est que le film est drôle, quand même. Le film me fait beaucoup rire. Puis, ouais, il est très... C'est très bien fait. C'est dommage, il a... Le c'est réalisateur, très cool, là, c'est parfait. Ouais. Il a quasiment rien fait d'autre après, quoi. C'est cool. Mais je crois qu'il s'est planté le film. Mais moi j'aime bien. Moi j'étais allé le voir au cinéma. Hein. Bah. J'étais à Royan quand c'est sorti ça. C'est sorti à la même j'avais époque. J'avais loué la cassette. Je crois que c'était la même époque que Maverick. Possible, que Maverick, ça devait être tout début 90 ou toute fin 80. Les trois films que je suis allé voir à Royan, c'était Alarme Fatale, Maverick et La Cité de la Peur. Au cinéma. Des classiques. Ouais, que du bon. Quoi. Que du bon. Que du bon, ouais. Tiens, regarde, on va rester dans la comédie. Ah tiens, non, celui-là. Non. Si. Non. Hercule à New York, le premier film de Schwarzy. Je sais pas ce que ça vaut, mais... moi, je vais te le dire, rien. Ouais, c'est rien. Ce que je pense. J'en attends rien. Et je pense que je serai pas déçu. Je pense que si, tu seras déçu quand même si t'attends rien. Parce que je crois qu'à un moment, j'ai de mémoire, il est sur un, ben, comme il est sur un char. Un char genre péplum, quoi. Ouais. Un char tiré par des fous, je sais pas quoi, là. Et là, il se balade moitié avec une toge dans les rues de New York. Mais oui, mais c'est grandiose, ça. Qui n'a pas envie de voir ça? Moi. Écoute. Non, mais c'est le souvenir que j'ai, en tout cas. Donc, ouais. Bon, alors. Moi, je vais rester aussi dans la comédie. Parce que j'avais découvert ça quand c'était passé sur OCS, à l'époque, que j'avais OCS. Ouais. Et j'aime beaucoup son univers, ce monsieur. Ah, Jacques Tati, c'est mon oncle? Ouais. T'en as deux, ouais, mon oncle. Dessus. Non, il y a mon oncle et My Uncle, parce qu'apparemment, il y a une version anglaise. Le montage était différent, je sais pas. Ah ouais, ouais, écoute, je ne sais pas. J'ai vu au cinéma, mon oncle. J'avais été voir au cinéma. Vrai, j'aime bien l'ambiance des pins Jacques Tati. Donc t'es né en 58 alors? Non, il y a eu une ressortie pour quand j'étais à l'école. C'est-à-dire, tu fais pas ton âge, hein, ça va? Non, effectivement. Si c'était le cas, ça se verrait pas. Mais bon, ouais, j'aime beaucoup l'univers de ce monsieur, quoi. C'est ouais, bien. Visuel et sonore, c'est vachement poétique. Ouais. Puis en plus, y a pas de parole. Bah, comme ça, il dit pas de conneries. Exactement, il en fait, mais il en dit pas. Oui, ça, il en fait. Non, c'est sympa. Bah, tiens, on va rester dans un univers visuel que j'aime bien, tiens, moi aussi. Hop, Intuition de Sam Raimi. Je connais pas celui-là. Ah ouais? Oh, il est vachement bien. Je te conseille. Ouais, c'est Kate Blanchett qui joue une médium et ça se passe dans le bayou, mais vraiment la partie pauvre de la Louisiane, vraiment. Du genre, elle se fait payer en tarte aux pommes ou en fruits, enfin voilà. Et il y a la maîtresse d'un notable qui meurt. Et du coup, ils enquêtent et vu qu'elle est médium, elle aide l'enquête. Et ils te dépeignent un peu toute la communauté ensemble de gens qui habitent là-dedans et c'est vraiment très très bien. Si t'as l'occasion de découvrir Intuition de Sam Raimi, c'est une merveille. Je me le note alors, et puis je m'en félicite. J'ai regardé ça instinctivement. Je l'ai fait découvrir à ma femme il y a un mois. Au début, elle me disait « Oh, ouf, ça m'intéresse pas, ton truc. » Au bout de 5 minutes, « Ah ouais, et puis à la fin, oh, putain, c'était bien. » Bah, je vais me noter ça alors. Voilà, donc on va faire une dédicace à votre ancien patron, qui en a parlé plus d'une fois de ce truc-là. Hein, Bergrin, il parle de tout plus d'une fois, il radote le vieux. C'est le principe du vieux. Hein. Enfin, je vais pas le blâmer. Mais avec conseiller ça, j'ai trouvé chez Noz à 3 balles. Donc je l'ai pris. Il paraît que c'est vachement bien. Ah oui, il paraît que c'est bien. Et que le remake est à chier, bizarrement. Ah, mais je savais même pas qu'ils avaient fait un remake alors. Avec Gaston Bide. Oh putain. Tout est dit. Ah putain. Oui, ils ont fait ça. Par contre, ils ont fait ça sur. Je crois que c'est un truc Netflix, une connerie comme ça. D'accord. Mais le hard D original, il paraît qu'il est très bien. C'est pareil, je l'ai pas vu encore. Bah moi non plus, ouais, c'est pareil. J'ai une watchlist qui est aussi longue que la barbe de Gandalf, alors voire plus. Oui, donc, on n'est pas couché. Ah ouais, non, c'est clair. Non mais bon, je vais accélérer le mouvement. Tu vas voir. Allez, encore du bon, le commando des morts vivants. Putain. Édition Prisme, j'ai une chance sur 3 que ce soit pas le bon film. Hein. Ben, ce sera une chance, là, je pense. Là, je pense attends, que ce sera il y a Peter Cushing, quand même, et Jim Carradine. Ouais, non, mais là, c'est... À un moment, il était dans les Mad Movies aussi, il avait été offert dans les Mad Movies, j'avais pas appris. Non, mais cette affiche, j'ai... Mais l'affiche, elle est magnifique. L'affiche est magnifique. Ouais, je pense qu'il y a que l'affiche qui doit être magnifique. Probablement, mais elle a de la gueule. Ouais. Bah, c'était vendeur à l'époque. Hein. Ah, bah oui. Oh, salut aussi, Wen. Ah, bah, t'arrives à la fin, toi. Non, bah, oh, peut-être pas. Non, attends. Peut-être pas. Je vais tirer sur la corde un peu. Bon, voilà. Il faut que j'aille manger, moi, après. T'es marrant. T'as pas mangé, toi? Ben non, j'ai pas mangé. Moi, je mange tout, moi. Bah, comme les vieux, quoi, les pads. Donc, j'ai trouvé ça aussi, tiens. Justice League. Oh, la version Zack Snyder. Ah bah, elle est en 4 tiers, mais c'est normal, alors. Hein. Oui, là, c'est normal. Ouais, merci Warner. Donc, j'étais content. Emmaüs. Voilà, j'étais content parce que j'avais l'autre. Je l'ai pas vu non plus. Donc elle est pas terrible, l'autre. Ouais, mais moi, ce qui je m'intéresse... Je suis pas sûr que celle-là soit mieux. Bah, on verra bien si je remarque la, la moustache d'Henri Calville cachée par les effets spéciaux. C'est ce qui m'intéresse. Hein. Bon, bah, écoute, t'as pas entendu parler que c'est ce qui m'intéresse. Alors, on verra ça, quoi. Mais te taper 4h30 de film pour 30 secondes de moustache effacée numériquement, faut aimer quand même. Hein. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bon, allez, on reste dans le truc qui fait mal. Mondo Cannibal. Oh putain. Ah ouais, déjà, il y a Mondo Cannibal en général, c'est un peu merdique. Ouais. Là, il y a des chances que ça soit vraiment. Il y a des chances, oui. Voilà. Ouais. Après, vraiment, c'est un des premiers films, entre guillemets, de la série Mondo. Donc, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, oui. J'aime pas les films de cannibales, mais bon, ça se tente. Moi, j'aime pas, hein. Moi, ça me... Non, moi, j'ai été marqué par des photos du film Anthropophagus. Ah, il est bien crado, celui-là. Il est bien crado. Il a mangé, il se mange lui-même. Oh là, non. Ça oui, bah, ah, non. Ah, ah, non, non. Non, pas là. Non. Cannibal Holocaust aussi, dans le genre, ça... Oui, oui, bah, j'ai ça vu des images qui restent. Ouais, ouais. Non, c'est bon. Ça m'a suffi. Non, pas du tout. Et bon appétit. Ouais, et bien sûr. Moi, j'ai plus... Bon, par contre, l'édition est dégueulasse, donc j'attends d'en trouver une meilleure. Mais bon... Le Temple d'Or, j'ai la même. Ah, elle est dégueulasse, hein. Le Temple d'Or, bon, ça va, j'ai pire. J'ai les Viathans en format VHS RIP, puis absolument infernal. Là, ça va. Moi, le Viathan, je l'ai. Il n'est pas si dégueulasse que ça, moi. Ah, moi, j'ai une édition intégrale qui est coupée 4 tiers, qui est vraiment dégueu. Non, c'est infernal. Ah, même le titrage, il tremble, hein, tellement l'édition est mauvaise. Ah, non, moi, j'ai un boîtier rouge. Ah, mais moi, non, c'est, tu vois, boîtier... c'est boîtier bleu, c'est une édition intégrale vidéo, et c'est très mauvais. Ah, non, non, il est en 16-9, moi. Ah, non, il est vachement. Moi, la mienne, elle est bien, hein. Ah, oui, non, mais j'en doute pas, puis j'aimerais bien avoir une belle version, le film est chouette. Ah bah tu vois, aussi Ewan te dit comment rester à cette tagline, l'homme qui se mange lui-même. C'est vrai, ça fait rêver. Oui, il a plus rien à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il se mange lui-même. Non, non. Ah bah et Roland, il l'a pas encore regardé, tu vois. Alors qu'il l'avait acheté à la ressortie Blu-ray. Ouais, faut avoir l'estomac bien accroché pour ça. Surtout en Blu-ray, ouais. Ouais, c'est clair. Bon alors, qu'est-ce que... Ah bah moi, il m'en reste plus que deux, tu vois, on va arriver au bout. Ah bah je vais écourter alors. 2 plus 1 coffret. Alors attention, voilà le niveau. Raptor. Oh la vache. Ça sent le Corman, ça. Hein. Oh bah, il y a des chances, ouais. Oui, mais attention, il y a le chouchou de Jazz et Seb, il y a Eric Roberts. Si y a Eric Roberts, ça va. J'ai hésité dans ma sélection à en mettre un, parce que j'en ai un d'Eric Roberts là, que j'ai pris il n'y a pas longtemps, où il tire un gros gun, là. J'ai hésité, hein. On hésite toujours avec Eric Roberts. Ouais, bah, j'ai hésité à le prendre aussi, hein, mais bon, j'ai dit après, on sera des petites soirées bien sympathiques, quoi. Alors moi j'ai ça, on va aller du côté espagnol. Ah. Moi je connais pas du tout, pas un mot. Alors là. Eh ben en fait, je sais pas si tu pourras lire, non. Tu vas peut-être avoir du mal à lire, non. Ouais, j'ai un peu de mal à lire. Ah, un peu de mal à lire, ouais. Donc en fait, Sylvia a une méthode bien à elle pour régler ses affaires. Après avoir tué le professeur dont elle était amoureuse ainsi que sa maîtresse, elle prend goût du sang et s'attaque successivement à un vendeur d'objets nazis, à un chanteur. Ses camarades de classe qui la couvrent pour ses méfaits décident d'en faire autant et s'organisent pour se débarrasser de leur prof et de leurs voisins gênants. Même le résumé, il n'est pas clair. Ouais, mais au début ça part, c'est gentil, machin, là, puis après ça part en couille. Bon bah ça c'est toujours rigolo. Ça part en couille. Très violemment, ouais. Mais c'est rigolo. Bon, bah, écoute, c'est rigolo. Bah écoute, si je vois passer, j'y jetterai un œil. Bah, ouais. Alors, on reste dans la gaudriole. La fiancée de Réanimateur. Bah je l'ai aussi celui-là. Bah oui, bah moi c'est le premier Réanimateur que j'ai en DVD. J'ai vu les trois. Mais je les avais pas. Ouais, j'ai les trois. Voilà. J'ai les moi, trois. J'aime bien. Je sais pas si je... Bah moi ça me fait rire aussi. Parce que ouais, je trouve ça celui-là, drôle. Pour celui-là, je l'avais loué en vidéo club. À l'époque où j'étais encore un peu. Bah, je passais devant le vidéo club sur Tours là. Et je l'avais loué. Il neigeait. J'étais rentré en bus. Et j'étais rentré. C'était la Chandeleur quand je l'avais loué. Et je l'ai regardé en mangeant des crêpes, le 2. Bah tout de suite c'est mieux en mangeant des crêpes. Les crêpes, pareil. On a eu un gros débat avec Ron sur les crêpes. Les crêpes, c'est bien. Faites des crêpes. Faites pas la guerre, faites des crêpes. Faites des crêpes. Non mais Réanimateur, c'est une chouette série du premier au dernier, c'est vraiment chouette. Et bon, oui aussi, 3... ouais, nous sommes des hommes de goût. Bah, oui. Le 3, t'as une bite qui se bat avec un rat. Ah, et rien que ça. Enfin, dans le premier, tu te souviens de ce qu'il y a dans le premier? Oui, je me souviens, je reviens, quoi, tu penses? Ouais, voilà, la même chose que toi, dégoûtant. Ouais, give a head, largement. Voilà. Bon, Barbara Crampton, hein, quand même. Oui, temps. Barbara Crampton, ouais. Ouais, tu as vu From Beyond? Oui, oh, putain, il est bien, From Beyond, il est vraiment très très bien. Et puis elle est très très bien habillée dedans. Ah bah oui, oui. Ouais. Habillée, oui, bien sûr. Très très bien habillée. Ça lui va très bien. J'adore From Beyond. Ouais. Ouais, moi aussi, oui, mais il marque celui-là. Oh, la vache. Ah, puis il est bien. J'ai préféré From Beyond à Réanimateur, même. Il est plus perché. Le premier Réanimateur, il est quand même... Ah, il est chouette, mais le côté perché de From Beyond m'a bien plu, quand même. Ouais, moi j'ai préféré Réanimateur, moi. Parce que je l'ai vu avant, peut-être. Ça doit être pour ça. Peut-être. Bah oui, moi aussi, j'ai vu le Réanimateur bien avant From Beyond, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est sur Amazon, d'ailleurs. Ah, ouais, mais j'ai pas Amazon, moi. J'ai que l'Oncle d'Amérique, moi. Oui, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, oui. Alors donc, après, bah, une petite dédicace à... Ah bah, c'est Béjaz, Crazy Kung Fu. C'est Béjaz, bah voilà. Donc j'ai jamais vu non plus, hein. Ah ouais ? Oh, il est trop bien, celui-là. Jamais vu non plus. Il est chouette, il est vraiment chouette. Ouais. J'avais que Shaolin Soccer, donc... Moi, je préfère Crazy Kung Fu de loin à Shaolin Soccer. Ouais. Il est vraiment très très chouette. Il y a des scènes qui sont super bien mises en image, on va dire. Ouais, bon, faudra que je regarde tout ça, alors. Bon, bah j'ai courte, alors j'arrête là. J'arrête là, ouais, je fais mon petit dernier, puis après, t'en feras un dernier. Ouais, un dernier, ouais, bon, bah... Allez. Ça marche. Allez. Et là, je fais l'escroc, le coffret Bruce Lee. Ah, que j'ai chopé bah, la semaine dernière, il y a deux semaines, là. Avec ouais. Big Boss, la Fureur de Vaincre, la Fureur du Dragon et le Jeu de la Mort. Vu que j'avais déjà Opération Dragon, maintenant, a priori, je les ai tous. Ah ben, moi, j'ai été déçu. Et moi, j'aime pas beaucoup Opération Dragon. Je me dis peut-être que j'aimerais mieux les autres, je sais pas. Ouais, mais ils ont été redoublés. Bah, vu que j'ai pas le premier doublage, ça va peut-être pas me choquer. Bah, tu les as jamais vus sur la 5, alors, à l'époque. Eh ben, non. Eh ben, voilà. Ouais, j'ai jamais connu la 5 de Berlusconi, hein. Oh là là, tu sais pas ça, t'en as perdu des choses. Bah oui, j'imagine bien. Ouais, c'était bien. Non, parce que moi, j'ai trouvé le jeu de la mort et... je sais plus lequel c'est. La fureur de vaincre. La fureur du dragon, je crois. Des éditions René Château. Ah oui. Et l'éditeur original des Bruce Lee. Voilà, et donc avec un montage à la Serp, hein, mais avec le doublage d'époque. Là, tu vas te retrouver avec la voix de Deadpool et de Mario. Oh non. Ah si. Oh putain, ça pique. Puis, en plus, maintenant que tu me l'as dit, je vais entendre que ça. Moi, j'aime bien Pierre Tessier. Moi, je trouve que c'est un très bon comédien. Hey, it's me, Bruce Lee. Ouais, non, mais ça va pas le faire. Là, c'est... Comme ça a été redoublé, ben ouais, tu n'auras pas cette chance-là. Quoi. Bon, bah, on essaiera de faire abstraction de la voix de Mario. Si tu veux les autres, je les ai en fichier. Hein. Oui, aussi. Hein. On verra ça. Voilà, on en reparlera. Hein. Et donc, avec... allez, je vais t'en mettre deux d'un coup, enfin deux. Allez, vas-y. Je vais en présenter deux. Hein. Voilà, vite fait. Kiss the Gringo, oh putain. Oh la vache. Moi, je l'aime bien celui-là. Oui, il m'a fait rire la première fois, mais je suis pas sûr que je le verrai une deuxième du coup. Ah ouais. Ah, moi, il m'a fait rire, moi. Oui, moi aussi. Mais je le trouve... Je le trouve dans la veine de Payback, mais moins bien que Payback. Ah, Payback, c'est autre chose encore. Hein. Voilà. Payback, j'ai... Alors, si ça t'intéresse aussi, j'ai deux montages différents encore. Oui, bah, je les ai aussi, ceux-là. Tu les as aussi ? Ouais, j'ai mon tonton de mec qui m'a envoyé le montage original. Et puis la version noir et blanc aussi, non ? Ouais, c'est ça, la version noir et blanc que j'appelle le montage original. Et puis l'autre version aussi, y a une autre version. En couleur, mais avec une fin différente aussi. Ah bah j'ai aussi celle-là, oui. T'as aussi ça ? D'accord. Ouais, la fin sur le quai de métro et tout ça. Voilà, c'est ça, ouais. Donc j'ai découvert ça aussi, j'avais trouvé ça chez Noz pour 1€, en Blu-ray. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. C'est bon, avec ça part qui, ça un peu. Antonio Banderas. Antonio Banderas, bah merde. Ouais. Là, depuis Expandable 3, il fait des films d'action, lui. Et puis il est plus tout jeune, mais bon, franchement, ça part un peu en couille à la fin, on va dire. Parce qu'ils ont quand même un Kaman, tu sais, la moto à trois roues, là, qui se balade dans le centre commercial. Ils font une course-poursuite avec. Oui, bon. Mais franchement, c'est sympathique. Bon, Ben Kingsley est venu cachetonner, hein, mais... Oui, bah, Ben Kingsley, ça fait un moment qu'il vient que cachetonner, hein. Mais franchement, j'ai vu pire. Oui, bah, j'en doute pas, oui, moi aussi. Ouais, c'est pas une raison. Si après on se dit ça pour tout, j'ai vu pire, il y a tout qui passe, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, mais bon, je garderai les prochains pour une autre fois, voilà. Eh ben, ça marche. T'as gagné ça, voilà, t'as gagné du temps. Parce que tu dois commencer à avoir faim, là. Ah, j'ai un peu la dalle, j'attends que madame elle rentre du sport, mais j'ai un peu faim. Moi, je vais aller me coucher, moi, en fait. Voilà. C'est demain matin à 5h30, hein. Ouais, moi aussi. Ah oui, ah, ça pique. Ça pique. Ah, puis plus le temps passe, plus ça pique. Ah, j'en sais quelque chose, crois-moi. Non, bref. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit aussi, Wen? C'est un peu la misère chez Noz ces dernières semaines. C'est vrai que moi, j'y vais jamais à Noz, j'en ai pas près de chez moi. J'en ai un près de chez moi, mais il faut que je traverse un petit peu de la ville. Et puis, des fois, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Des fois, il y a rien. Alors, j'y vais. Pas le coup de traverser la ville pour rien. Bon, je traverse pas la ville, mais bon, c'est un peu pénible. Ouais. Donc, alors, des fois, je reviens, j'ai pris de la bière, quoi. C'est déjà pas mal. Pas de DVD, je prends de la bière, quoi. Donc, tu peux prendre les deux, bière et DVD. Ouais. Voilà, ils avaient des figurines pop l'autre fois, j'en ai pris deux. Pas cher, j'ai trouvé Musclor, j'étais content. Oh, c'est rigolo ça. Ouais, ils avaient un petit Musclor et puis ils avaient aussi un Vito Corleone. Bah attends, tiens. Non. C'est à côté, je vais te montrer ça vite fait avant de partir. Vas-y. Pour 5 et 6 balles, ça va, quoi. Le petit Musclor. Ouais, c'est raisonnable. C'est beau, Musclor. C'est marrant, Musclor, en Funko, ouais. Ouais, c'est marrant, Musclor. C'est rigolo, là. On dirait Dolph Lundgren. Oui, quelle surprise, hein. Et puis, Un Vito Corleone, voilà. Ah, c'est marrant. Et puis, je dois confesser que j'ai vu aucun parrain. Voilà. Non, mais moi non plus, puis ça m'intéresse pas. Voilà. Ah bon, moi ça m'intéresse, mais bon, c'est la durée qui me fait peur. Et, tu les regardes en plusieurs fois? Bah comme pour tout, je crois. Comme d'habitude. Comme un truc d'1h22, je suis obligé de le regarder en plusieurs fois, alors t'imagines un peu, quoi. Oui. Là, tu prévois un bon mois devant toi, et hop. Ah, quelle tristesse, mon Dieu, quelle tristesse. Enfin, bref. Voilà. Bon, je vais te laisser alors, peut-être. Hein, et ça marche. On va souhaiter une bonne soirée. Salut à tous ceux qui nous ont regardés. Hein. Aussi, Wan, Roland et Seb, notamment. Salut les gars. Voilà. Et puis, Fred, ça a été un plaisir de te recevoir. Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien. Ah, voilà. Nickel. Et puis, si tu veux passer en podcast, n'hésite pas. Si tu as des petites chroniques ou des films dont tu veux parler, il y a toujours une petite place. Ouais. Moi, je suis un peu comme le professeur Roland. J'ai toujours un truc à dire. Hein. Mais bon, après... Oui, n'hésite pas. Salut, ouais. Gravelax. Non. Ah, ce store-là. Ah, mais si, Gravelax, ce store-là, on a... Voyez, si vient, si on le laisse parler, on en a jusqu'à pour 5h du matin, là. Ah non, moi, faut que j'aille manger, là. Gravelax, c'est... Aussi... Attends, excuse-moi, quoi? Tu peux le fermer après. Je pourrais le fermer après? Ouais. Ça marche pas? Le jeu, il tombe pas. Ah, d'accord, ok, bon, ça marche. Là, il fait des trucs que je comprends pas, donc après je pourrais. Il m'a dit que je pouvais éteindre l'ordi après. Voilà. Bon, nickel. Impeccable. Bon. Donc, en tout cas, merci d'être venu. N'hésite pas, la porte est ouverte. Ah non, c'est moi qui te remercie. Hein. Avec plaisir, avec 2600 DVD, 2800 maintenant. On aura l'occasion de se revoir. Si tu veux, après, ça n'engage à rien. C'est toi qui vois. Hein. Je ne vais pas m'imposer, mais bon. Faudra qu'on en reparle, que je teste un petit peu mon beau matériel de podcaster futur. Ouais. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est le syndrome de l'imposteur, en fait, tu vois. On l'a tous, t'inquiète pas. Ah. Bon, on en reparlera. Ça marche. En off, ouais. Voilà. En off. Voilà. Ça marche. Bon, allez, salut à tous, alors, en tout cas. Hein. Merci. Allez, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie,